Avant que la cocaïne et le fentanyl ne dominent les routes de la drogue, c'était la marijuana qui faisait tourner les cartels mexicains. Dans les montagnes isolées, elle poussait sous le regard silencieux des communautés oubliées. Aujourd'hui, même si elle rapporte moins, elle reste un maillon discret mais vivant de l'économie du crime.